Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Paris Pluriel, 106.3 FM, vous êtes la jungle des luttes, c'est le programme du CSPCL comme tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30 et les retransmissions le jeudi matin. Donc voilà, la jungle des luttes aujourd'hui, on va essayer de présenter ce qui se passe cette semaine. Là, il y a une semaine internationale de solidarité avec les prisonniers et prisonnières politiques du 14 au 21 avril 2013 à Paris. Donc j'aimerais bien vous présenter le programme puisqu'il est quand même assez riche, puisque a priori c'était surtout au départ le 17 avril qui était la journée où il y avait des activités. Et là ça a été sur une semaine avec une programmation tous les soirs. Donc je vous présenterai ça. Et également on parlera encore de Notre-Dame-des-Landes et de Atenco, puisque l'actualité est toujours d'actualité. Donc c'est important d'en parler, c'est maintenant. Et donc on espère qu'il y a un copain ou une copine qui nous appellera. On les attend, s'ils nous écoutent, vous pouvez nous appeler et on essaye de se caler sur l'horaire. Donc on verra, donc peut-être qu'au cours de l'émission on aura réussi à les avoir, puisque c'est difficile d'être toujours sur place à cette heure-ci. Donc on parlera donc à cette occasion avec Julien, avec qui on avait fait un interview et qu'on n'avait jamais pu passer. Donc c'était un peu l'occasion de remettre la table justement cette histoire d'aéroport avec Atenco et Notre-Dame-des-Landes. Et donc en rappel avec le forum qui a eu lieu au mois de juillet dernier, en 2012, où il y avait le forum contre les grands projets imposés et inutiles. Donc voilà, il y a cette interview qu'on voudrait vous passer pour justement un petit peu recontextualiser toute cette histoire qui a des liens aussi entre ces luttes et donc le pont qu'on aime à faire. Et on vous parlera du coup à ce propos d'une tournée musicale en Europe du groupe Resistencia de México, avec un copain d'Atenco également, qui pourra justement faire une tournée en Europe, rencontrer un certain nombre de groupes de lutte, et également en Turquie, plutôt sur le mois de juin. Donc on vous parlera un petit peu de cette tournée, et également de mon séjour au Chiapas. Je me permettrai de vous raconter un petit peu ce que j'ai vu là, puisque j'y étais un mois, que je suis rentrée la semaine dernière, et voilà, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu faire, mais de ce que j'ai déjà fait, il y a déjà quelques petites choses à dire. Et puis, voilà, merci de nous écouter. Merci éventuellement de venir aux assemblées si vous en avez envie pour suivre le comité. Donc, il se réunit tous les mercredis soirs au 33 rue des Vignoles à 20h30. Donc c'est une assemblée ouverte, donc on y parle de l'information un peu sur le Mexique, sur le Chiapas évidemment, et sur toutes les autres luttes qu'il peut y avoir et avec lesquelles on a des liens, on est en contact. Donc c'est tous les mercredis au 33 rue des Vignoles à 20h30. Donc avant de commencer, on va commencer en musique déjà. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya está tan agua ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna ca allí está que voy a ir a cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores

Et donc aujourd'hui, il y a une soirée de solidarité avec les prisonniers politiques, avec un petit buffet de la liberté, musique traditionnelle kurde, table de presse, présentation donc de la semaine et des interventions aussi de prisonniers politiques avec tout était un petit peu sous réserve encore là tant que j'avais mon papier. Mais du coup, je pense qu'il y aura de quoi commencer à discuter et commencer la semaine. Et donc, c'est à 19h, ça ouvre à 19h et donc c'est Académie des Arts et Cultures du Kurdistan, rue d'Anguien au numéro 16, Paris 10e. Et donc, cet programme de la semaine internationale de solidarité avec les prisonniers politiques, c'est surtout depuis 2004, en fait, qu'il y a eu qui ont réuni à l'occasion de la première conférence internationale sur les prisonniers politiques en Euskal Herria. Plusieurs organisations ont donc adopté une déclaration faisant du 17 avril la journée internationale des prisonniers politiques. Et donc, cette date choisie en référence à la journée du prisonnier palestinien instituée en 1975, ça permet de rappeler à chaque fois à l'opinion publique qu'il y a femmes et hommes encore détenus pour leurs idées politiques. Donc ça, ça a été l'idée du 17 avril. Et aujourd'hui encore, il y a des dizaines de milliers de militants et politiques incarcérés. Et donc, il y a à cette occasion prisonnières et politiques qui sont parties conséquences de conflits politiques causé par le non-respect des droits nationaux et sociaux des peuples. Et donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de construire des mouvements de solidarité en leur direction. Et donc, à Paris, depuis 2008, il y a différentes organisations qui participent à la mise en place de cette solidarité, qui exige donc non seulement la reconnaissance du statut de prisonnier politique partout dans le monde, mais surtout aussi leur libération. Et donc cette année, sachant que la mobilisation doit être large, elle doit prendre en compte aussi la diversité des situations, il a été décidé de consacrer une semaine entière à la question des prisonnières et des prisonniers politiques. Donc comme je vous le disais, ça a commencé hier, aujourd'hui il y a un buffet. Et donc justement, je vais vous parler de toute la programmation là, qui suit. Et donc, je vais quand même citer tous les organisateurs de manière à ce que tout le monde sache qu'il y a eu un effort de se rassembler pour faire cette semaine. Et donc, il y a l'Académie des Arts et Cultures du Kurdistan, l'Association des Familles des Prisonniers et des Disparus Sahraouis, Associo Solidarita Corsica, Collectif pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah, le Collectif Unitaire National de Soutien à Mabiou Amou Djamal, Moumia Abou Djamal, Comité de solidarité avec le peuple basque, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, le groupe de soutien à Léonard Pelletier, le Comité pour le respect des libertés et des droits humains au Sahara occidental, les Trois Passants, Libération Irlande, Maison du Tamil Elam, Secrétariat international de la CNT, Sortir du colonialisme, Terre et liberté pour Aroko. Donc voilà, toute cette semaine a été organisée par ces groupes. Et donc demain, vous avez la possibilité aux rue des Vignoles, 33 rue des Vignoles, dans le 20e, dans les locaux de la CNT. À partir de 19h, il y a une soirée en soutien aux 22 prisonniers politiques sahraouis. Donc il y aura la projection du film Les Sahraouis assiégés, discussion avec l'Association des familles des prisonniers des disparus sahraouis, le Comité pour le respect des libertés et des droits humains au Sahara occidental, et le secrétariat international de la CNT. Donc tout le monde est invité à venir voir le film et à discuter autour de la question des Sahraouis, des prisonniers sahraouis à 19h. Le mercredi 17, c'est une journée plutôt chargée. C'est la journée internationale des prisonniers politiques. Donc il y aura justement une conférence à la Bourse du Travail de Saint-Denis à 19h et une journée des prisonniers palestiniens. Des prisonniers palestiniens organisés par le Collectif National pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens de 18h à 20h. Donc il y a justement de 18h à 20h le rassemblement hebdomadaire pour la libération de Léonard Pelletier, de Moumia Abou Djamal et pour l'abolition de la peine de mort. Donc ça, c'est le rassemblement hebdomadaire. Il est à l'angle du Jardin des Tuileries et la rue de Rivoli, sur la place de la Concorde à Paris. Et le mercredi 17, toujours, donc là, on vous invite à venir à 20h. Salut, dans les Julien, locaux de la CNT, 33 rue des Vignoles, soirée de solidarité avec les prisonnières de 520 années de résistance dans les Amériques. Et donc, il y aura la question de la prisonnière de la Sexta au Mexique, les prisonniers amérindiens aux USA avec Léonard Pelletier, justement, au Osso Blanco, et des prisonniers mapuchés politiques au Chili. Et donc, c'est à 20h à la CNT, 33 rue des Vignoles. Le jeudi 18, ça continue, c'est la soirée de solidarité avec les prisonniers politiques corses. Donc, il y aura la projection du film documentaire Les Enfants d'Aléria, suivi d'une discussion avec la Socio Solidarita et un bar de la solidarité avec des chants corses par le groupe de musique Scontro. 19h au CICP, 21 Terre, Voltaire, Paris, 11e. Le vendredi 19 avril, c'est la soirée de solidarité avec les prisonniers politiques basques, donc projection du film documentaire Fenêtre sur intérieur, suivi d'une discussion avec le comité de solidarité avec le peuple basque. Et donc ça, ce sera à 19h, espace Louise Michel, 42 Terre, rue des Cascades, dans le 20e. Le samedi 20, c'est une soirée où il se passe aussi pas mal de choses, puisque c'est la journée sera bien remplie. Donc il y a un rassemblement pour la libération des prisonniers politiques dans le monde de 14h à 17h sur la fontaine, à la Fontaine des Innocents, Paris 1er. Donc là, ce sera l'ensemble des organisations qui ont participé à cette semaine qui vont se réunir. Et on vous invite à vous rassembler avec nous, donc de 14h à 17h, Fontaine des Innocents. Et puis, il y aura une soirée de solidarité avec les prisonnières adhérents à la Sexta de l'EZLN au Mexique. Et là, on va prendre un petit peu le temps tout à l'heure d'en reparler un petit peu en détail sur cette soirée du samedi 20. Et donc, pour finir la semaine, dimanche 21 avril, il y aura une réunion d'information sur les prisonniers politiques irlandais. Donc, il y aura une projection et des interventions. Le lieu est à préciser, là, sur le papier que j'ai. Mais toutefois, vous avez la possibilité de retrouver tout ce programme. Si vous n'avez plus le temps de tout noter, le programme sur http://17avril2013.unblog.fr. Donc là, voilà, vous pouvez avoir le programme de la Semaine internationale de solidarité avec les prisonniers politiques. Donc c'est cette semaine. Et ben voilà, on va parler justement de ce qui se passe samedi soir, le samedi 20, sur justement, tout précisément, les adhérents de la Sexta de l'EZDN. Non, ça ne marche pas. Donc, du coup, on arrive tout de suite pour parler en précisant. Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dit pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent ceux qui disent non. Los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son adherentes a la otra campaña. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotras, la otra campaña no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad. 106.3 FPP, Fréquence Paris Pluriel, La Jungle des Luttes, le programme du Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. C'était la voix de Marcos que vous avez entendue à la fin. C'était, juste avant que je reprenne le micro, c'était le discours qu'il avait tenu place de Tlatelco au DFE Mexico le 3 mai 2006. Et donc c'était le jour où, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, c'est le jour où il y a eu une répression à Texcoco, dans une ville où des fleuristes voulaient et avaient négocié le droit de vendre leurs fleurs en ce jour un peu particulier où c'est une fête sainte, où on, précisément c'est le jour qu'il faut pas louper quand on est vendeur de fleurs. Et donc leurs droits étaient retirés, ils ont négocié, et donc ils avaient négocié avec les pouvoirs de pouvoir justement précisément ce jour-là s'installer avec leur stand pour vendre des fleurs. Et finalement c'est la répression qui s'est abattue, et Atenco, c'est ce qu'on appelle, en fait, quand on dit Atenco, ça fait référence à 5 villages et donc des gens qui se sont organisés, qui ont lutté contre l'aéroport, donc d'Atenco en 2000-2001, on y reviendra tout à l'heure. Et donc ces gens-là ont appris à s'organiser à ce moment-là, ont gagné et donc ont finalement continué à être solidaires de toutes les autres luttes, et donc ils ont intégré évidemment l'autre campagne. C'était l'autre campagne, l'initiative lancée par les apatistes en 2005, qui faisait justement un parallèle entre ce qui était proposé dans une campagne présidentielle qui avait lieu justement cette même année 2006, et donc les apatistes ont lancé eux leur autre campagne en 2006, annoncée en 2005, faite en 2006, et donc lors de ce parcours à travers tout le Mexique, les apatistes rencontraient tous les gens en lutte, ils sont passés à Atenco, ils en sont repartis, la route a continué, et puis c'est le 3 mai, donc alors que la rencontre se poursuit avec les luttes, et cette fois elle était arrivée à Mexico, on apprend donc la répression, donc le 3 mai, et donc c'est un appel à la mobilisation que lance Marcos, et en réalité il y a aussi l'appel ensuite de América del Valle, un appel à se déplacer tout de suite maintenant sur la ville d'Atenco qui avait été agressée, enfin les populations agressées toute la journée par les polices, les maisons saccagées, renversées, des dizaines d'arrestations, si je me rappelle bien, quelque chose comme 96 arrestations ou 126 le premier jour, quelque chose dans le genre. Et donc il y a un groupe qui est allé effectivement soutenir les gens à Atenco, et donc il y a ce jour-là justement une répression le 4 mai 2006, et donc Mariana a justement été arrêtée le 4 mai 2006 à San Salvador à Atenco, et c'est grâce à elle qui a été construit la performance Femme prisonnière Solidaridad, qui va être présentée donc le samedi 20 avril au Transformateur, donc 57 avenue de la République à Bagnolet, métro Gallieni ou Robespierre, de 17h à 20h. Il y aura dans un premier temps un documentaire, mais également donc cette performance Femme prisonnière Solidaridad, donc une performance construite donc à partir d'échanges, de lettres, de réflexions, de passages de journal écrits en prison, de pensée donc du groupe Les Trois Passants et d'autres encore, et notamment donc Mariana. Et donc Mariana a été effectivement, pendant le trajet jusqu'à la prison après son arrestation, tabassée, menacée de mort et subit des agressions sexuelles par les membres de la police. Et donc toutes les analyses menées par les femmes prisonnières ou ex-prisonnières ont été niées par l'État, qui a refusé que des femmes aient été torturées sexuellement. Donc malgré les preuves irréfutables, elles ont lutté, continué à lutter, et donc cette violence faite aux femmes, employée très couramment pendant les arrestations, est toujours à dénoncer, et aussi la solidarité à maintenir dans ces épreuves, puisque ça permet quand même de soutenir de tenir la lutte contre l'enfermement. Et donc voilà, c'est donc cette performance qui va être présentée, et donc cette pièce sera dédiée notamment à toutes les prisonnières, et donc notamment aussi à Rosa, qui elle est également une prisonnière rencontrée en prison par les Trois Passants, et sur lequel il y a une petite projection de documentaire, Colta Vanesh, c'est du tzotzil, ce qui veut dire libération. Et donc voilà, ça c'est la situation de Rosa, est un peu la même que celle de beaucoup de femmes incarcérées, c'est-à-dire une situation difficile parce qu'elles ont été effectivement torturées sexuellement, mais aussi mères militantes, et donc dans un système patriarcal, ça commence à être assez difficile. Et donc il a été important de donner une place à ces femmes, tout particulièrement dans cette semaine. Donc on vous invite à venir donc le 20 avril, et de 17h à 20h au Transformateur, sachant qu'il y aura un concert à partir de 19h organisé par le Transformateur pour la caisse d'autodéfense juridique du Transformateur. Donc on rappelle effectivement qu'il y a un certain nombre de lieux en lutte, des luttes pour le territoire, les aéroports, mais aussi des lieux comme le Transformateur qu'il faut pouvoir soutenir, ou des espaces comme FPP, puisque du coup FPP a besoin du soutien financier, notamment lié à la question du passage, j'allais dire à la TNT, à la RNT. Donc, vous pouvez toujours envoyer des soutiens à l'association Paris. Donc, Association Paris, si vous vouliez faire un chèque pour FPP éventuellement. On remercie à cette occasion, justement, la soirée et tous ceux qui ont participé, justement, au Transformateur, la FPP de Party qui a eu lieu vendredi. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent, FPP, le Transformateur, les prisonniers politiques, les paysans en lutte, les jeunes, les vieux et tout le monde. Et donc, a priori, on a, dans pas longtemps, on devrait avoir justement un copain qui nous appelle de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, on va peut-être pouvoir savoir ce qui s'y passe, sachant qu'on en a parlé. Je ne vais pas vous présenter ce qu'est la question, pourquoi on dit Notre-Dame-des-Landes et on croit avoir tout dit. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui quand même ne sont pas encore au courant. Mais voilà, il y a un projet d'aéroport, une lutte qui est menée depuis des années, et réactivé d'autant plus fort que le projet avait été un peu mis en sommeil. Et donc là, après sa réactivation, il y a eu aussi du côté de la résistance et de la lutte d'une organisation. Il y a des gens qui occupent les terres, il y a des paysans qui défendent leurs terres, il y a des gens qui s'occupent d'un point de vue juridique à essayer de voir comment ça peut se mener. Donc il y a un peu... il y a un peu une bataille sur tous les fronts avec... des fois un peu chacun dans son côté, avec en même temps des nécessités de se retrouver. Il y avait eu un moment fort, je crois que c'était au mois de novembre, où il y avait eu une manifestation très forte, novembre ou décembre, où il y avait justement cette possibilité de réunir tout le monde autour de cette même lutte, puisque en fait c'est la même lutte contre ce projet. Et au-delà de ce projet, justement, comme on entendait dans la chanson, c'est un choix de vie, en fait, ça va au-delà de dire cet aéroport est utile, pas utile, parce qu'effectivement, on peut continuer à faire des aéroports et trouver que c'est utile. Il y a toujours des gens qui vont trouver ça utile et d'autres pas. Donc, du coup, on va peut-être mettre un petit morceau de musique en attendant qu'ils nous appellent, comme ça, ça ne nous coupera pas la parole. Et donc, on vous rappelle aux autres qui veulent éventuellement nous appeler pour poser des questions ou intervenir, que le direct... à utiliser pour notre programme de 19h à 20h30 tous les troisièmes lundis du mois, c'est le 01 40 05 06 10. Voilà, donc on attend l'appel du copain en musique. Les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers, tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses des cailloux, enfin je les ai, ramasse les sous. Avoue franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Oh, allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter, dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné. 106.3, fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, le programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc voilà, on attend toujours le copain, alors on n'allait pas quand même passer de la musique tout le temps, on n'est pas une émission musicale, bien que ça fasse plaisir d'écouter certains morceaux. Et je profite parler de musique, bah oui, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux, ça fait du bien la musique. Et il y a justement, j'en parle parce que ça sera déjà passé avant le prochain programme, donc ça paraît déjà un peu loin, mais ça va vite. Il y aura tout à l'heure, je vous en parlais, d'une tournée d'un groupe musical qui s'appelle Resistencia de México et qui du coup justement vient avec l'idée de venir 20 ans après, puisqu'ils sont venus en 92, donc ils étaient tout jeunes en Europe, ils sont allés au Pays Basque, sur Paris, ils ont rencontré des groupes dans d'autres régions, je crois bien en Andalousie. Et donc, ils ont joué de la musique et rencontré des groupes. Et eux, donc, continuaient aussi de leur côté. Et ils avaient envie de fêter ça 20 ans après, avec forcément l'idée de rencontrer pas seulement des groupes, mais des luttes aussi, puisque c'est un groupe qui a toujours accompagné les luttes. Au Mexique, la musique, ça a un côté... Enfin, c'est assez naturel, il y a du bruit tout le temps, de la musique aussi, tout le temps, partout. Et donc, du coup, c'est un petit peu aussi très facile de rencontrer des gens qui chantent un certain nombre de chansons qui sont un petit peu tout au cours de toutes les luttes. Et donc, ces groupes-là ont envie de rencontrer des gens qui font de la musique et qui luttent. Et ils avaient proposé à Ignacio del Valle, un leader de la lutte, justement, à Tenco, on en parlait tout à l'heure, de les accompagner pour pouvoir justement que lui se remette de ses années de prison, puisqu'il a été prisonnier politique pendant plusieurs années, plus de 5 ans, condamné à 127 ans de prison, il me semble, ou 167 ans, ou je sais plus bien, de toute façon, c'est bon, au-delà de 100 ans. Et donc voilà, il y a eu une lutte, il a été enfin libéré, donc il y avait la proposition justement de l'inviter à faire cette tournée pour que lui puisse justement rencontrer tous ces groupes qui un peu partout en Europe se sont mobilisés, sachant que les gens se sont mobilisés au Mexique, mais c'est beaucoup plus accessible pour lui. Donc voilà, il y a cette tournée qui est programmée au mois de mai et juin en Europe et en Turquie. Donc sur la Turquie au mois de juin, mais au mois de mai en Europe, et ils commencent par Paris. Donc ils seront avec nous à la marche du 1er mai. La manifestation du 1er mai. Et puis ils seront ensuite invités par la CNT à participer à un festival. Il y aura par contre le vendredi soir dans le 11e une projection... des projections, des petits documentaires et une discussion justement avec lui. Et puis le jeudi 2 mai, donc, on aura une réunion 33 rue des Vignoles avec lui, sachant que voilà, le 1er mai, c'était le jour de notre réunion assemblée habituelle, mais là, c'est le 1er mai, donc on a décalé au jeudi 2 mai. La réunion assemblée ouverte avec Ignacio del Valle qui donc nous parlera de l'assemblée à l'assemblée, et donc on vous invite plus que jamais à venir jeudi 2 mai, exceptionnellement un jeudi, au Vignol, 33 rue des Vignoles dans le 20e, et donc à rencontrer Ignacio del Valle qui a lutté donc en 2000-2001 contre l'aéroport, donc ça on en a dit et redit, et puis qui du coup a été lui interpellé justement ce 3 mai, ce fameux 3 mai 2006, et on en parlait donc tout à l'heure, et donc libéré il y a maintenant, je ne sais plus bien finalement, déjà plus d'un an, et donc voilà, on sera content de passer un moment avec lui, de l'accompagner également, ça c'est le projet, à Notre-Dame-des-Landes, et donc qu'il puisse rencontrer les gens, sachant que justement Atenco, on en a déjà parlé, avait envoyé justement une lettre adressée aux gens qui luttaient à Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, on avait envie de vous inviter donc ce jeudi 2 mai 33 rue des Vignoles pour rencontrer Ignacio del Valle, qui donc sorti de prison est aujourd'hui sur ses terres, et donc sur ses fameuses terres de Atenco, le projet de la même façon qu'il avait été réactivé finalement à Notre-Dame-des-Landes après plusieurs années, se réactive également à Atenco avec une dimension, il s'agit plus véritablement d'un aéroport en réalité. Il paraît très bien qu'on parle de ville future. Donc là, il ne s'agit pas seulement de construire un aéroport, mais d'une ville avec donc sûrement des services liés à l'aéroport, donc au tourisme, avec tous les services. Et donc ces terres agricoles risquent à nouveau d'être sous le sceau de tous ces grands projets et là, des big projets, futurs projets. Donc je ne sais pas exactement quelle est la tournure que ça va prendre pour eux. Et donc on en saura plus au courant du mois de mai. Donc voilà, jeudi 2 mai au Vignol pour rencontrer les gens en lutte à Atenco. Et donc, musique. Ouais. Transition avec quoi? Es nuestra gente. Apóyennos. Apóyennos. Con tanques y metrallas. Atenco no se calla. Con tanques y metrallas. Atenco no se calla. Hermano, el pueblo te da la mano. 106.3 Jungle des luttes. Vous avez reconnu, on parle d'Atenco, voilà, c'est des gens qui ont su s'organiser. C'était des paysans qui n'étaient pas du tout politisés, qui se sont organisés et qui, à la force de leur détermination, réussit à convaincre qu'il fallait carrément abandonner ce projet. Donc ça a duré quand même une bonne année sévère de lutte. Et donc voilà, ils ont été présenté le projet, donc à nouveau très récemment. Donc apparemment, il va falloir qu'ils se remobilisent. Je pense que la Peña Nieto, pour détail, peut-être pas anodin, c'est le président de la République, le nouveau président de la République, entre en fonction le 1er décembre 2012. Donc Peña Nieto, c'est également l'auteur de la répression en 2006, le 3 et 4 mai, gouverneur de l'État à cette époque. Donc même si on sait qu'il y avait les différents niveaux de pouvoir qui étaient impliqués dans la répression, autant municipale que gouvernementale que fédérale, Peña Nieto, c'était celui qui vraiment a lancé la force et qui avait derrière lui tous les médias et une médiatisation très forte. Il y a un film qui s'appelle Romper el Cerco. Et donc, ce film nous raconte un petit peu toute la réalité de la répression qu'on a du mal à imaginer ici en France, quand bien même la répression sévit également. On en parlera sûrement peut-être tout à l'heure si le copain il nous appelle, puisque là, dernièrement, il y a des dernières nouvelles sur Notre-Dame-des-Landes. Donc... Atenco, la répression 2006, si pour ceux qui nous ont pas écoutés au début, je rappelle rapidement que donc samedi 20 avril de 17h à 20h de 17h à 19h au Transformateur, il y aura la présentation de la situation des prisonniers politiques adhérents à la Sexta, sachant que depuis l'autre campagne, ce qu'on appelle la Sexta depuis 2006, il y a eu un réseau contre la répression qui est très actif et qui essaye de se mobiliser sur la question des prisonniers politiques et donc de solidariser tous les prisonniers politiques du territoire et au-delà. Et donc il y aura à cette occasion également la projection du documentaire sur la vie de Rosa Lopez, qui est la seule femme prisonnière de la Sexta, donc la seule femme au sens de la seule qui est encore prisonnière et adhérente à la Sexta. Et ensuite, une performance femme prisonnière Solidaridad, qui disons que sera écrite à partir de la lecture de lettres de prisonniers de la Sexta envoyée pour la création de cette performance. Et il y aura également des lettres qui seront lues et qui ont été écrites par des prisonnières et donc qui seront envoyées à cette occasion et lues le samedi 20, donc ce samedi prochain. Et toujours en solidarité avec les prisonniers politiques, il y a la proposition qu'on vous fait également donc ce mercredi, au 33 rue des Vignoles, donc à la CNT à 20h, où là on parlera un peu de la situation des prisonniers politiques des Amériques dans les Amériques. Donc voilà, ça c'est l'invitation à venir. Et donc on vous rappelle que tout le monde est à soutenir et solidarité si par-ci et par-là. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend toujours, notre copain, ou quoi? On ne sait plus, là. Bon, on fait une petite pause avec un petit truc, ou... Alors, donc, bon, ben voilà. Sinon, moi, j'avais un autre truc aussi que j'avais vu récemment, il y a un peu plus d'un mois, avant de partir au Mexique, je suis tombée sur la séquence 4 des cours du CNED, donc des cours nationales d'éducation à distance, cours d'espagnol de première, section scientifique, à la grande surprise, otros mundos son posibles, et là du coup avec des photos de Marcos de Zapata, des petits photos de zapatistes de l'époque, qui a des années qu'on voit un petit peu partout, d'Iniedad Rebelde en rapport avec les femmes, et donc où on explique aux jeunes tout le sens de la lutte des zapatistes, du sens du passe-montagne, de la question du modèle capitaliste qui remet en cause. Et donc voilà, du coup, c'était assez étonnant de voir comme finalement tout à coup apparaissait dans ce programme national d'éducation tout un cours un cours d'espagnol sur les zapatistes. Et donc voilà, il y a peut-être des jeunes qui vont s'intéresser aux zapatistes, sachant que c'est vrai que finalement voilà, les zapatistes sont soulevés en 94, et donc il y a déjà une longue histoire, et la plupart des jeunes nés aujourd'hui n'ont pas vu ce soulèvement, l'ont pas connu. Et donc voilà, c'était marrant de voir aussi, évidemment il y a des petites erreurs, c'est pas sur la question de Marcos, etc. Il y a toujours l'idée inévitable de reprendre le leader de la figure du sous-commandant Marcos comme la figure des zapatistes, sachant que les zapatistes évidemment avant tout non pas une armée, mais des communautés en résistance qui luttent, qui ont déclaré la guerre, qui sont prêts à soutenir ce processus, justement, en résistant politiquement, plus que, évidemment, militairement, puisque c'est ce qui leur a permis aussi d'être là encore aujourd'hui, d'avoir développé une autonomie dans un grand nombre de secteurs, un peu dans tous les secteurs, avec forcément... des endroits où ça marche mieux que d'autres, des endroits, je veux dire plutôt des lieux, puisque les zapatistes sont divisés en 5 régions, avec du coup des gouvernements autonomes pour les 5 régions, de manière à ce qu'il y ait des distances qui soient viables, et puis pas tant la question des langues, puisqu'il y a des zones où on parle 3-4 langues, et donc là la langue du coup c'est l'espagnol, mais en même temps tout le monde fait un effort d'apprendre la langue de l'autre. On en a déjà parlé souvent de ce système

ist na rista chishan. Kayis wingapi korecha no anda chero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas. Celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Zocalo, Mexico, c'est aux alentours de Zocalo, Mexico qu'il y a ce son, ce gros son chantant aussi, des oiseaux, des voitures, et voilà tout ce qu'on pourrait trouver à côté, donc enchiladas, et donc voilà, j'espère que ça a fait plaisir à ceux qui connaissent le Mexique d'entendre un petit peu de ce son. Et donc là, du coup, je pense qu'on va parler un petit peu de ce que j'ai pu. Mais oui, carrément. Un petit peu. Je vais te faire un petit peu la conversation, du coup. Bah ouais, c'est ça, puisque notre copain, il nous appelle pas. On aurait bien voulu parler de Notre-Dame-des-Landes. Donc pour ceux qui s'y intéressent, essayez de vous renseigner, voilà, de voir ce qui se passe des suites. J'imagine qu'on va en entendre parler de toute façon à un moment ou à un c'est autre. C'est ça. Que ce soit par voilà, nous, par quelqu'un d'autre. C'est ça. Que, ça va suivre. Sur FPP, ils suivent un petit peu l'affaire aussi de près. C'est ça. Du coup, bah, voilà, je vais prendre le rôle de l'animateur et toi celui d'invité pour le coup. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, t'es revenu quand? T'es revenu mardi la semaine dernière. Donc t'es allé là-bas en pleine actualité vis-à-vis des apatistes qui ont recommencé à communiquer et notamment à lancer un projet assez intéressant pour le mois d'août. Bah alors du coup, justement, on avait eu l'occasion de lire un petit peu des lettres. C'était un petit peu la sortie des apatistes après plusieurs années de silence médiatique, sachant qu'on le sait bien, les communautés, on l'a dit tout à l'heure, sont au quotidien en train de construire un autre monde. Et donc, moi, je suis arrivée, justement, quand je suis arrivée dans ce qu'on appelle les caracoles, ce lieu où il y a justement ces assemblées de mon gouvernement, ces équipes qui tournent et qui travaillent. Donc, c'est un lieu où, justement, puisqu'ils sont pas chez eux, ils peuvent se loger. Donc, il y a des bâtiments, il y a un auditorium de manière à pouvoir recevoir et à tenir des grandes assemblées. Il y a, il y a une petite cafétéria ou une petite boutique selon le caracol. C'est plus ou moins actif. Au niveau de l'animation, cafétéria, etc. Mais du coup, quand on rentre, moi, j'étais notamment à Morelia, ou à Roberto Barrios, où c'est effectivement, là, on voit plein de jeunes, et là, on voit qu'il y a une effervescence, justement, beaucoup de réunions, beaucoup de choses qui ont été faites avant. Donc, apparemment, on comprend que tout s'est communiqué, et puis l'organisation, évidemment, de cette marche du 21 décembre. Donc déjà, ils ont été mobilisés pour le mois de décembre, déjà janvier, février, pour les communiquer. Et le mois de mars, ils entrent dans réellement l'organisation de ces escualitas là. Donc parce que ça a été un petit peu annoncé au fur et à mesure le projet. Ils ont dit nous revoilà, on est toujours là. Vous nous croyez morts, mais non, on a les escualitas, c'est le projet, donc ça a été l'annonce il n'y a pas longtemps. Voilà, mais on est beaucoup à se demander ce que c'est exactement ces escualitas pour le coup. Alors donc justement, donc eux ils sont en train de le préparer, donc ils ont sûrement une idée de ce que ça va être. J'en ai pas beaucoup appris, j'ai pas voulu être curieuse parce que le mieux pour en savoir c'est de pas poser de questions. Et donc ce que je sais c'est que là du 3 au 9 avril, ils étaient tous réunis dans une même zone, c'est-à-dire puisque on l'a dit là il y a 5 zones, ils sont réunis tous dans une même zone. Donc, ils étaient quand même plusieurs de chaque zone à aller se déplacer là-bas. Donc, je pense que là, ils ont mis en place un certain nombre de choses très pratiques en 6 jours, pas seulement pratiques non plus. Peut-être aussi sur le contenu, puisque l'idée de l'Escolita, donc pour ce petite école ou avec affectif, enfin avec un côté affectif, le ita, on le rajoute toujours, pequeñita, la petite. Donc bon, ça controverse le mot là. Pourquoi école, etc. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais peut-être que le ITAL, il est justement là pour dire c'est pas vraiment une école. C'est. Voilà. Donc il y a eu. Donc moi, pour avoir discuté de cette escolita, puisque en fait même au Mexique, on se demande. En fait, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu te dis c'est pas la question de la distance seulement qui fait qu'on comprend pas exactement où on veut nous emmener. Les apatistes, si on veut prendre comme ça en gros, on se dit que les apatistes sont dans des processus. À chaque fois, il y a des processus ou des nouveaux cycles. En fait, c'est un processus sur long terme, mais en fait, avec des petits cycles comme ça. Donc, il y a le cycle des négociations, le cycle de l'autre campagne. Et donc là, je crois qu'ils ont envie d'ouvrir un autre cycle avec d'autres apports. Et la proposition qu'ils font, c'est apparemment Escolita, ça veut dire qu'on va pas être dans des réunions, à des assemblées, des grands groupes où la parole peut-être du coup peut pas être prise, où du coup on peut pas être dans des échanges intimes non plus au sens donc bon, peut-être le ita il est aussi dans le fait que déjà ils vont peut-être pas nous recevoir comme ils le font souvent dans les caracoles, mais où justement la proposition c'est de nous recevoir dans les communautés. Donc réellement aussi Escolita aussi dans l'idée de apprendre quelque chose auquel on n'avait jamais eu accès. Ouais. Puisque moi je sais que je suis déjà allée dans des communautés, j'ai éventuellement déjà dormi dans des familles, mais a priori faut y avoir passé beaucoup de temps. C'est ça, c'est pas si simple quoi. Voilà, a priori moi c'est parce que j'y ai vécu plusieurs mois que tu finis par être amené à. Sinon, la plupart, on a rencontré, en général, de toute façon, plutôt des gens qui avaient des charges, en fait. Ce qui ne veut pas dire du pouvoir, mais une charge, au sens de charge, pour vraiment dire que c'est quelque chose qui pèse, ou c'est aux frais de la personne, et c'est un travail pour la communauté, sans salaire. Donc, du coup, avec des responsabilités fortes, un rôle politique également important, du coup. Donc, c'est vraiment une charge, une mission à accomplir. Révocable, évidemment. On est révocable quand on a une charge. Donc, en général, on a rencontré, sinon, des promoteurs, des gens qui sont promoteurs de santé, promoteurs d'éducation, promoteurs vidéo. Donc, des gens qui sont en train d'être dans des apprentissages et de eux-mêmes pouvoir transmettre le savoir qu'ils ont eu. Donc, ça a été, c'est un peu, et donc, l'idée, là, c'est d'aller dans une communauté et de vivre au quotidien, c'est-à-dire pas forcément avec les gens parce qu'ils ont telle charge ou telle fonction par rapport à l'organisation, mais du coup. De voir comment ça se passe concrètement et que ce soit des gens qui n'ont pas des charges, qui partagent leur expérience de comment ça s'est passé ces dernières années finalement. Donc voilà, l'idée, il y en a qui disent que c'est peut-être aussi comme un cadeau qu'il faut le voir plutôt que comme je vais à l'école apprendre. On te fait un cadeau et on te met dans les conditions pour le recevoir. Et j'ai bien aimé cette image là. En me disant, bah ouais, finalement, ils te laissent aller jusque dans leur chez eux, leur vrai chez eux, leur intimité, depuis là où, en fait, ils luttent. Les gens vivent dans leur maison en résistance contre les paramilitaires, contre les gouvernements qui ont des projets qui viennent assaillir des communautés et construire des maisons toutes pourries, mais qui, du coup, est d'une certaine façon une façon de marquer le territoire pour le gouvernement de façon très forte. Donc du coup, voilà, c'est peut-être une façon de... Effectivement, on va aller à l'école peut-être parce qu'on va apprendre des choses qu'on ne savait pas. Mmh. Mais du coup, je ne crois pas qu'on aura d'examen. J'en doute aussi. Et puis de toute façon, quand on pense à la manière dont l'enseignement entre guillemets est mené de toute façon dans les écoles zapatistes, ça peut pas être exactement une école comme on la conçoit par chez nous. Ouais, c'est ça. Puis du coup, je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que le mot d'école, ça raidit un petit peu tout le monde au départ. Et puis on se demande, en fait, il y aura plutôt l'examen d'entrée au départ, quoi. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, c'est, on en avait déjà parlé, c'est avec leur nouvelle sortie là depuis le mois de décembre, c'était de dire bon ben voilà, on a quand même quelques années d'expérience et on peut se permettre de se dire que finalement, il y a des gens avec qui on a plus envie de partager des choses. Parce que leur parcours politique a pas été suffisamment clair ou bien souvent prêt à passer de l'autre côté et puis tout simplement des gens qui luttent par opportunisme, etc. Donc il y avait cette idée un petit peu de faire le tri parmi tous les gens qui avaient été à leur côté pendant des années, qui peut-être parfois s'y accrochent, etc. Du coup, il y a des invitations qui sont attendues pour pouvoir participer à ces écoles, d'autant que voilà, je pense que si on rentre justement dans les territoires et qu'on s'éparpille un peu tous sur tout le territoire zapatiste, il y a un moment pour des raisons de sécurité, c'est vrai que c'est quand même mieux pour eux de savoir à qui ils ont affaire. Ouais, de fait, ouais. Donc en fait, voilà, je crois que les Européens, on sera plus ou moins les premiers avertis, sachant qu'on a peut-être une organisation pratique, enfin, qui demande peut-être un peu plus de temps. Et donc, voilà, je crois qu'au Mexique, ils attendent de savoir qui va être invité, pas invité. Je pense qu'en fait, c'est aussi une façon que de... Enfin, ça pousse les gens qui sont proches d'eux aussi à se questionner sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi, et... Et bon, même si c'est pas une question de se remettre en question et que eux nous remettent en question, mais en tous les cas, sur de quel type de solidarité vers quel type de solidarité on avance, puisque la question de la solidarité, il y a un moment où il faut qu'elle soit mutuelle. C'est ce qu'ils nous demandaient, les apatistes, c'est de s'organiser de notre côté aussi, que c'était pas seulement vers eux qu'il fallait être solidaire. Donc l'idée, c'est d'apprendre comment s'organiser, c'est peu probable, sachant qu'on sait très bien que eux, les apatistes, ils ont un mode qui est propre à eux et que c'est à nous d'inventer notre propre mode à nous. Et ouais, de fait. Écoute, je te propose, on passe un petit son pour voir comment ça pourrait être si on était là-bas. Ça marche. Et puis on continue un peu de parler après. Ouais. Ça roule. Ça, c'est des petits sons bucoliques. Le bruit sourd, là, dans le fond, c'est un singe. Bon, allez. On a eu pas mal de sons de là-bas. On va continuer à discuter un petit peu. C'est ça. Donc, tu as fait quelques petites rencontres aussi là-bas. Donc, bah, du coup, là, je suis pas allée dans les communautés parce que je suis pas restée assez longtemps. Donc, forcément, les gens que j'ai rencontrés, on en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui avaient plutôt des charges ou des missions qui étaient promoteurs. Et donc, j'ai rencontré des gens que je connaissais, avec qui j'ai fait les coucous de comment ça va, toi ça va, moi ça va. Et puis, j'ai parlé très longuement avec une promoteur d'éducation qui n'avait des ateliers que le lendemain. Donc, on a passé tout l'après-midi à discuter. J'étais avec Félix, d'ailleurs, un copain qui a fait des enregistrements un peu au Chiapas et pas dans les communautés, parce que c'est toujours plus compliqué. Mais donc, du coup, je pense que le mois prochain, on aura, On aura des sons encore du Mexique et qu'on va encore parler finalement du Mexique. On en profite, il se passe plein de choses et puis on a finalement qu'une heure et demie. Et du coup, la promoteur d'éducation racontait pas mal de choses intéressantes, sachant qu'elle, elle avait un parcours relativement particulier, puisque, a priori, évidemment, on va pas dire que l'éducation dans les écoles zapatistes, elle est très normée, mais a priori, disons que dans toutes les zones, il y a plus ou moins un système d'école primaire qui dure 3 ans, et ensuite d'école secondaire qui dure 2 ans. Donc, grosso modo, ils ont 5 ans d'éducation assurée. Et après, il y a d'autres niveaux d'école qui sont pas tout à fait encore mis en place. Mais ils ont la possibilité souvent de pouvoir éventuellement d'aller au CIDESI, qui est l'Université de la Terre à Saint-Cristobal de Las Casas, qui est justement une université dans un rapport très pratique aux choses. On en a déjà parlé, mais on pourra un jour en reparler parce que c'est une belle expérience. Mais ceux qui veulent regarder, il y a moyen de regarder sur CIDESI et Saint-Cristobal, Université de la Terre. Et donc, sur le système donc zapatiste, l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait des zapatistes qui soient formés et qui eux-mêmes ensuite prennent le relais et forment les enfants des communautés. Et donc, au niveau des écoles primaires, en général, c'est dans les communautés qu'il y a des petites écoles. Et au niveau de l'école secondaire, c'est plutôt au niveau municipal. Et donc, elle raconte qu'elle avait beaucoup de capacités, de qualité et de surtout, sans doute, l'envie. Elle nous racontait qu'elle, en fait, elle avait fait son école primaire en 1 an. Et finalement, son école secondaire, dès sa première année, c'était déjà de l'acquis. Mais bon, donc, du coup, elle a quand même voulu faire la deuxième année. Et donc, elle a été, à l'âge de 11 ans, donc finalement, elle-même promoteur d'éducation. Et donc, elle racontait là aujourd'hui qu'elle avait déjà 9 ans d'expérience et qu'on lui demandait finalement de se former en mathématiques, mais que finalement, elle, les mathématiques, ça la branchait pas trop. En même temps, elle disait, voilà, je sais bien que c'est quand même un besoin pour la communauté, mais alors je sais pas, et je la voyais hésiter. Donc, c'était assez rigolo parce que, finalement, tu voyais que c'était quelqu'un de très motivé. 9 ans qu'elle travaillait, elle avait 11 ans quand elle avait commencé, qu'elle sentait vraiment que c'était un engagement vis-à-vis de la communauté et de la lutte. Et donc, et en même temps, je la sentais tellement hésiter après tout le parcours qu'elle avait que je trouvais ça assez étonnant. Alors du coup, je lui demande, pourquoi tu voudrais pas faire cet effort finalement, puisque tu as envie d'apprendre finalement, de changer aussi, d'avancer, d'évoluer. Je me suis dit, peut-être que finalement elle est amoureuse, qu'elle a envie de faire autre chose, fonder une famille. Donc du coup, je lui demande, mais en fait, t'es mariée ou en fait t'es amoureuse ou... Non, bon, puis finalement, au bout de 10 minutes, oui, non, mais si. Et donc en fait, elle me raconte qu'elle est avec quelqu'un, qu'elle a une relation avec quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas zapatiste, donc avec qui c'est évidemment très compliqué d'avoir une relation. Et donc, je dis, ah bon, et donc bon, c'est un peu... Puis finalement, au fur et à mesure du temps, elle m'explique qu'en fait, ça fait déjà 4 ans qu'elle le connaît. Et donc 4 ans qu'elle lui explique que si jamais il voulait une histoire avec elle, ben il faudrait bien qu'il soit zapatiste. Et donc, je dis, ah oui, donc tu le mets à l'épreuve. Elle fait, ouais, c'est 4 ans, mais c'est pas fini encore. C'est pas fini. Et donc, elle était super déterminée. Hein. Je me disais, ouais, c'est quand même super important aussi, cette conversation à laquelle, en fait, t'as très rarement l'occasion de parler de ça. Ils se rencontrent souvent entre eux. Ou surtout, en fait, ce qui est plus difficile, gênant, je sais pas quel est le mot, c'est qu'en fait, elle te dit, bah oui, en fait, le problème, c'est que les filles, quand elles tombent amoureuses de quelqu'un d'autre qui est pas zapatiste, en général, elles font jamais l'effort de le mettre à l'épreuve et de le faire rentrer. Ce sont elles qui sortent. Ouais, c'est l'inverse. Et donc, en fait, elle, en train de livrer sa lutte, et donc, bah, je salue sa lutte, justement, pour pouvoir rester zapatiste, de rester dans la lutte et de pouvoir lui le faire intégrer la lutte. Et donc du coup, elle m'explique que ça fait 4 ans qu'elle lui explique comment ça fonctionne, que quand t'es zapatiste, ça c'est fini, que si, que ça, que son père également très zapatiste aussi a également parlé à ce jeune homme qui a 2-3 ans de plus qu'elle, donc et qui du coup ça, apparemment s'accroche à l'idée. Et donc on sait pas, mais du coup j'ai trouvé que c'était Ben voilà, c'est des questions qu'on pose. On sait très bien qu'il y a des apatistes qui rentrent, qui sortent pour un certain nombre de raisons. Et puis, j'avais jamais spécialement pensé au fait que c'était les femmes qui sortaient tout spécifiquement, du coup. Quand elle, bah, malheureusement, tu tombes amoureuse d'un non apatiste, et donc ben bah, voilà. Malheureusement. Ben malheureusement. Ben non, mais malheureusement, c'est pas de chance. Ouais. Que l'important, c'est d'être amoureux quand même. Justement, c'est pour ça qu'elle sort. Mmh. Et en fait, elle, du coup, le fait qu'elle puisse faire sa petite résistance à l'intérieur de la résistance, elle fait sa petite résistance. Voilà, je voulais lui tirer mon chapeau là, du coup, parce que finalement. Elle est, ben voilà, elle est. Et puis dans cette même journée, j'ai rencontré un autre compas qui lui, je l'avais rencontré il y a plusieurs années, donc on se connaît. Et je savais plus trop exactement quelle année, mais je savais qu'il faisait partie de la junta à l'époque où je l'avais rencontré. Donc du coup, je lui dis ah, t'es encore dans la junta, ce qui m'étonne puisqu'a priori ça tourne justement tous les trois ans et quand bon, donc en plus à l'intérieur des trois ans, il y a plusieurs équipes, mais quoi qu'il arrive, tous les trois ans normalement c'est renouvelé. Non, non, mais non, non, je suis plus de la runta, là, c'est fini, ça. Et donc, en fait, là, il me dit tout à coup, non, non, mais c'est parce que là, je suis chauffeur. Ah bon? Bah oui, c'est que j'aime bien conduire, je sais bien conduire. Comme il n'y en a pas beaucoup qui conduisent, je suis chauffeur. Donc, voilà, ce qui montre qu'en fait, quand on a une charge, une responsabilité politique comme celle de pouvoir être à la runta, c'est-à-dire une assemblée de gouvernement, il n'y a aucun prestige, c'est pas du tout une échelle qu'on monte et de laquelle ça ferait trop mal de redescendre. En fait, non, voilà, lui, il a accompli son travail en tant que, ben voilà, en tant que, comment on dit, ben, en tant que runta. Et ben voilà, maintenant, il peut passer à autre chose et ben voilà, faire profiter de son dynamisme et de sa détermination par rapport à l'organisation, quelle que soit la forme. Voilà, ça, c'était aussi un bon exemple du fait que c'est pas que des mots chez les apatistes. Il y a quand même cette possibilité, justement. Ben ouais, voilà. De ne pas considérer son rôle de membre de la Runta comme autre chose que... Voilà, et du coup, de pouvoir réclamer à éventuellement d'avoir encore d'autres responsabilités. Non, ils savent faire tourner la chose. Et comme on dit, c'est une charge aussi. Donc, en fait, ce qui permet effectivement de, je pense, à un moment ou à un autre, freiner de la même façon que les présidents des coopératives de café, président, trésorier, secrétaire... ont évidemment beaucoup plus de boulot qu'un caféiculteur qui, lui, est socios de la coopérative, enfin, comme on dit, adhérent, coopérant, enfin, je ne sais plus comment on dit en français. Donc, en fait, forcément, tu as une responsabilité, et donc pendant ce temps-là, tu ne peux pas être en train de soigner ton café. Donc, forcément, c'est une charge, donc c'est quelque chose dont tu peux vouloir te libérer rapidement et en même temps, à l'obligation de le faire bien aussi. Donc, du coup, c'est... voilà, donc, je... Voilà, c'était... Ben voilà, c'était un séjour avec des rencontres de belles personnes, avec tout le monde en super excitation d'attendre l'école, en pensant que ça va être un beau moment. Donc là aussi, on va pouvoir vous ramener du son parce qu'on aura le droit d'enregistrer. Donc voilà, on pourra peut-être vous donner, vous faire des petits cours à vous aussi, voir ce qui s'est passé là-bas. Donc on pourra en profiter puisque c'est assez rare qu'ils nous laissent enregistrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a rarement... des sons depuis l'intérieur des communautés, etc. Donc voilà, du coup, on va bientôt se quitter. Avant de se quitter, je voudrais vous rappeler qu'il y a cette tournée au mois de mai. Donc le jeudi de mai, vous pouvez nous rencontrer au 33 rue des Vignoles, donc rencontrer Ignacio Del Valle de Atenco qui viendra nous parler de la lutte. Et puis, il y aura peut-être des copains musiciens ce soir-là, ou peut-être ils seront en train de jouer autre part. Et à ce propos, s'il y a des musiciens qui ont envie de jouer avec le groupe qu'on va passer là tout à l'heure, dont on va passer un petit morceau, c'est-à-dire Resistencia de México. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit. On avait prévu un petit... Mais j'ai un problème, leur CD, il passe pas. Ah, mais tu prends pas le DVD, là, sinon il y a le CD. Non, ça marche pas. Bon, ah, bah, dommage, ça pourtant on l'a déjà passé. Donc voilà, c'est un peu... C'est du coup plutôt rock-ska. Donc voilà, si vous avez envie de partager des moments avec eux, ils ont éventuellement besoin d'un musicien ou deux. Donc voilà, vous pouvez éventuellement écrire à ces, nous contacter le CSPCL. Donc vous avez le site cspcl.ouvaton.org. Donc là, vous aurez un lien pour pouvoir nous écrire éventuellement. Et si vous êtes intéressé pour jouer avec ce groupe, les rencontrer ou leur proposer des lieux où ils pourraient jouer le 2 et le 3 mai. Ce serait sympa s'ils faisaient tourner un petit chapeau pour essayer de les soutenir dans la lutte. Et puis, donc, bah voilà, si vous êtes intéressé par cette tournée pour rencontrer ce groupe, eux, ils sont intéressés pour rencontrer des groupes, sachant que l'objectif de cette tournée, c'est aussi de pouvoir faire prises de vue, des enregistrements vidéo et de sons de gens, des groupes en lutte, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de ramener des images d'Europe et des sons d'Europe là-bas au Mexique. Donc bah, merci à vous tous, on se retrouve le mois prochain. Pour ceux qui veulent réécouter, c'est jeudi matin, et puis sinon sur le site cspcl.ouvinton.org vous avez aussi un petit lien pour retrouver nos émissions de radio. Plus directement en fait, le blog s'appelle La Jungle des Luttes, on cherche La Jungle des Luttes, on tombe dessus directement. C'est pas beau la vie. C'est merci beau. À vous tous. Et désolé à Julien, un jour on arrivera à passer son interview. Ouais ouais, mais ça c'est dommage. Et à tout bientôt. Un petit son du Mexique et au revoir. Chaito. Y tú gritaste más fuerte. Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme. Me dejaste con todo lo que estuvo a tu alcance. Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor es lo que pasa. Necesita